la pause interview sur Radio Côte Basque avec la rubrique spéciale Esprit vivant. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alexia Denis, infirmière de formation, qui a plein de cordes à son arc. Donc le mieux, c'est de laisser la place et le micro à Bruno Fleury, qui va vous faire découvrir toutes les palettes qu'elle a à sa disposition. Bonjour Alain et bonjour Alexia, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale à l'occasion de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Et pour en parler, je reçois donc Alexia Denis qui est infirmière, mais également thérapeute EMDR, sophrologue, formatrice en premier secours en santé mentale et praticienne en hypnose. Bonjour Alexia, merci d'être avec nous. Alexia, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Oui, bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée aujourd'hui. Donc moi je suis infirmière de formation, je me suis formée à Bordeaux et j'ai rapidement entamé l'apprentissage de nouveaux outils. J'ai commencé par la sophrologie. J'ai un parcours d'infirmière en médico-légal, ce qui est assez particulier. Donc, j'ai travaillé avec des victimes d'agression dans un premier temps et puis par la suite avec des détenus. Donc ça, c'est mon parcours d'infirmière. Et j'y ai ajouté la sophrologie. Donc, je me suis installée en libéral pour ce faire, ouvrir mon cabinet ici sur la côte. Et je me suis formée par la suite à l'hypnose avec différentes spécialités, dont l'accompagnement des personnes ayant un trouble du neurodéveloppement. Donc j'accompagne des enfants particulièrement, mais aussi des adultes, pour les aider à mieux vivre dans le quotidien avec ces difficultés-là. Et aujourd'hui encore, l'autisme reste finalement mal compris. Si tu devais expliquer peut-être simplement qu'est-ce que l'autisme ? Tu dirais quoi ? Moi, je dirais simplement, déjà que ce n'est pas une maladie, l'autisme. Ça, on est bien d'accord. C'est important de le signifier. Ce sont des particularités à s'adapter la plupart du temps à un monde extérieur qui peut être parfois rigide, comme par exemple la scolarité. Moi, je travaille beaucoup avec les enfants autour de ça, du maintien de la scolarité pour leur permettre d'évoluer dans le monde autour d'eux qui parfois ne s'adapte pas. Oui, c'est vrai. et se projeter le plus loin possible dans le monde du travail après, par la suite. Donc, il y a différents plans sur lesquels on travaille, le maintien de la scolarité, la concentration, mais c'est aussi les émotions, c'est le corps, c'est les perceptions, et c'est se comprendre soi-même. En fait, il y a plein de choses qu'on ne dit pas assez en fait, sur les personnes autistes. Hein. C'est ça, il y a une mauvaise compréhension, il y a une méconnaissance aussi de ces maladies-là, même si aujourd'hui on y vient et de plus en plus, et il y a de plus en plus de gens qui se forment pour aider ces jeunes ou moins jeunes. Et également, je ne sais pas ce que tu en penses, mais l'importance d'accompagner également les familles de ces jeunes, c'est important. Oui, tout à fait. Il y a des représentations dans nos sociétés d'aujourd'hui et parfois les termes sont employés pas de la bonne manière. Il peut y avoir beaucoup de représentations négatives. Il y a aussi l'idée de mettre dans une case avec peut-être une diminution de capacité liée à ça, ce qui n'est pas forcément à la réalité. Et puis il y a des alors je vais dire des degrés, mais je trouve que c'est pas exactement le bon terme. Il y a des spécificités différentes sous ce mot-là. Il englobe plein de difficultés différentes qui peuvent être plus ou moins importantes en fonction des personnes. Ouais, c'est ça surtout. Et alors toi, le truc chouette, c'est que dans ton métier, tu t'es créé un petit peu une boîte à outils avec plusieurs approches, et tu utilises ces approches. Tu as donc le DMR, la sophrologie, l'hypnose. Et comment ces outils peuvent-ils aider une personne autiste ou une famille ou des jeunes en difficulté en général? Eh bien justement, on vient toucher à différents plans, donc on peut agir sur plusieurs difficultés. Avec la sophrologie par exemple, on va aborder le corps, les sensations, permettre l'expérience aussi, peut-être positive, l'expérience positive. Oui. Donc ça, ça peut être intéressant. En hypnose, je vais beaucoup... Alors là, je vais parler par exemple des enfants parce que c'est oui. ce que j'ai le plus. Oui. Je vais beaucoup aborder la confiance en soi, les représentations parce que chez ces enfants-là, bah, eux aussi, ils ont intégré ces représentations négatives. Oui, bien sûr. Donc c'est compliqué de continuer ou d'avoir quelqu'un dans la classe ben, qui va les aider. Accepter que quelqu'un les aide dans certains exercices, en avoir un accompagnant, par exemple. Donc, tous ces outils-là, ils permettent de toucher à différents plans, différentes difficultés dans le quotidien. Et ça m'arrive de faire des séances avec les parents. Aussi, pour que les parents puissent constater peut-être ce qui se passe chez leurs enfants pendant les séances. Et comprendre également. Comprendre aussi, c'est important, mais eux aussi, leur faire confiance. Ouais. Les parents sont quand même vachement démunis hein, par rapport à cette maladie et aux troubles TSA en général. Hein. Oui, oui. C'est assez impressionnant quand on rencontre des familles, ils sont complètement perdus. Alors effectivement, leurs enfants ou leurs jeunes sont pris en charge et bien pris en charge, mais pour eux, c'est difficile. En fait, j'avais envie de te poser cette question. Quelle posture tu adaptes, toi, quand tu te retrouves en face d'un jeune TSA? Tu as des techniques particulières que tu appliques quand tu te retrouves avec ces personnes-là ou pas? Alors, des protocoles, on en a plein, des techniques, on en a plein, mais je les choisis en fonction de ce qui m'est donné d'observer chez l'autre, de ce qui m'est livré comme difficulté. Et moi, ce qui est important, c'est d'entendre, d'écouter les difficultés de l'autre, et c'est là-dessus qu'on travaille. Ouais. Vraiment sur les besoins qui sont alors exprimés, ou en tout cas vécu, et je commence déjà par ça. C'est une notion de non-jugement, de partir sans a priori, en mettant peut-être parfois des « il faut » ou des connaissances de côté pour écouter l'autre et répondre à ce pourquoi il vient. Justement, ce qui est chouette, c'est que toi, dans ta caisse à outils, tu as plusieurs casquettes, tu as plusieurs outils qui te permettent de t'adapter. Et ça, je pense que ça doit être très riche par rapport aux gens que tu reçois, non ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand je reçois des personnes, notamment des enfants, des adolescents avec des troubles du neurodéveloppement, je leur demande pas s'ils veulent faire de l'hypnose, de la sophrologie ou quoi que ce soit d'autre. C'est un mélange de toutes ces techniques-là qui va être riche et qui va être porteur dans l'amélioration du quotidien. Ouais, tu veux dire qu'on n'a pas besoin finalement de mettre un nom derrière la technique que tu vas adopter, que ce soit sophro ou EDMR. L'EMDR, pardon. Alors, l'EMDR est un petit peu à part quand même. Oui. Mais entre l'hypnose et la sophrologie, il y a beaucoup de similitudes. Bien sûr, on est dans tous les cas en état modifié de conscience. Oui. Le patient, la personne, elle est proactive quand même en hypnose. Hein, oui. Les intentions, la manière de faire peut paraître différente, mais quand on est vraiment dans la technique, il y a beaucoup de similitudes. Et à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, à notre petit niveau, pour être peut-être plus inclusif au quotidien et aider ces personnes? Peut-être que certains auditeurs ont des voisins ou de la famille, mais on ne sait pas forcément comment s'y prendre pour accompagner de façon naturelle et peut-être avec beaucoup d'amour. Alors, de manière assez bateau, je dirais se mettre à la place de l'autre, mais ce n'est pas si simple, ça reste un concept. Je dirais essayer soi-même de sortir de son propre cadre. On a une manière de vivre, on a un cadre de notre quotidien, de nos manières de faire, et parfois on a l'impression que c'est pareil pour tout le monde, sauf que c'est pas du tout le cas. Donc déjà, la première des choses, ça va être de peut-être sortir de nos représentations à nous, de notre propre cadre, bien sûr, pour pouvoir accéder au fait de se mettre à la place de l'autre et de se dire, bah, l'autre, par rapport à quelque chose qui, moi, me paraît complètement banal, ben, peut-être que pour lui, il va vivre les choses de manière différente dans l'aspect relationnel, dans l'aspect des sensations, etc. Voilà, sur tous les plans qu'on peut évoquer par rapport à l'autisme. Un changement sans doute un peu d'image mentale, de pouvoir se dire, bah, en fait, ok, je connais pas, mais ça m'inquiète pas, je suis capable de donner une belle image à la personne avec qui j'ai envie d'échanger, c'est ça aussi. Oui, oui, oui, puis vraiment travailler sur ces représentations négatives qu'on peut avoir. Ouais. Je pense par exemple à un enfant qui va se mettre à crier en public. On peut voir des regards, on peut voir peut-être même des conseils qui vont être donnés, non sollicités bien sûr, hein. Oui. Mais on va rarement se poser la question de qu'est-ce qu'il est en train de vivre cet enfant. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est pas nous qui sommes en train de le surcharger dans son environnement ? Ouais. Est-ce qu'enfin, il y a des possibilités comme ça qui sont rarement présentes, me semble-t-il. Ouais, et puis il y a aussi pour certains et les plus grands une acceptation et des difficultés liées à l'âge, avec des difficultés liées à la sexualité. Et ça, c'est important de les accompagner, parce que notamment dans le milieu de l'autisme, mais pas que, hein, c'est super compliqué pour eux à gérer, et à gérer pour les familles. Et je crois qu'aussi, avec tes casquettes, tu as les moyens d'accompagner et d'aider là-dessus, et que tu l'as fait, hein, et que, avec de très bons résultats d'ailleurs. Et ça, c'est très chouette. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, par exemple, nous prendre peut-être un exemple d'un accompagnement de jeunes avec qui tu as été, où les parents étaient en difficulté, notamment par rapport à la sexualité ? Oui, alors le premier travail, je pense que c'est à nous de le faire en tant que famille, accompagnant, soignant, d'accepter que la sexualité, elle existe chez ces personnes-là. Et le travail que j'ai pu proposer à des groupes, il se fait autour du corps, autour du changement du corps, de la puberté, De l'acceptation évidemment, et de poser aussi des vrais mots, d'utiliser les vrais mots de la sexualité, du corps, de la puberté, des sensations, d'aborder les choses de manière simple finalement, mais avec des outils qui vont quand même être accessibles. Oui, c'est essentiel en fait. C'est essentiel. On ne peut pas parler de sexualité en termes, comme on le ferait dans une classe, dans un collège ou dans un lycée. Bien entendu. Voilà. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Tout à fait. Malheureusement. Même si c'est obligatoire, je rappelle qu'il y a le programme EVARS, c'est trois séances par an. Ces séances, est-ce qu'elles sont faites ? Je te mets au défi d'aller à la sortie d'un lycée, de poser la question. Mais moi, j'aimerais beaucoup pouvoir refaire des interventions en institution, mais le problème, c'est de pouvoir les faire réellement, pouvoir être accepté dans les programmes de l'éducation nationale, notamment. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a des groupes et des gens qui travaillent beaucoup sur les IME et différents centres, notamment au niveau des handicapés, que ce soit des handicapés jeunes ou des jeunes adultes. Et c'est assez efficace aussi, hein, parce que il y a vraiment aussi un gros boulot à faire pour ces jeunes-là qui sont réellement en souffrance, vraiment, par rapport à leur sexualité et cette acceptation. Aussi du regard des autres par rapport à leur sexualité qui est un peu spéciale. Et la prévention, en parler, mais en parler de manière adaptée, même dès le primaire. On parle souvent de séances de sexualité, mais ce n'est pas ça la réalité. On parle de ce que c'est que l'intimité, de quelles sont les limites, ce que je montre aux autres, quel peut être l'impact, etc. Ouais. Et ça, c'est de la prévention. On n'est pas sur aider l'autre dans sa sexualité. Dans un premier temps, on est aussi dans de la prévention sur me protéger des autres, des agressions éventuelles. Ouais, je suis OK ou je ne suis pas OK, quoi. C'est voilà, ça, hein, en sachant que quand j'ai un trouble particulier, je suis potentiellement plus vulnérable aussi. Complètement. Donc, Voilà, c'est la prévention et ça me paraît essentiel de pouvoir la faire. C'est vraiment un beau message et des beaux exemples que tu donnes, c'est chouette. J'espère que ça peut aider hein, au travers notre émission aujourd'hui, les auditeurs à comprendre un petit peu. Puis j'avais envie de parler d'une autre de tes casquettes, c'est les premiers soins en... Premier secours en santé mentale, où là tu es à la fois formatrice mais préventionniste là-dessus. Et pourquoi tu as fait ce choix un petit peu aussi important de te former et d'aider en premier secours en santé mentale ? Alors déjà, c'est une formation qui s'adresse à tout le monde. C'est une formation qui est citoyenne. Il suffit d'être majeur pour pouvoir se former au secourisme en santé mentale. Et ça me semble essentiel de ne pas réserver ce domaine à des professionnels de santé ou à des personnes qui font de l'accompagnement ou qui sont au contact parce qu'ils sont aidants peut-être, mais de l'ouvrir à toute personne parce que la santé mentale et les troubles psychiques, ils sont partout dans notre société. Ils sont souvent encore, malheureusement, aujourd'hui et de manière très marquée parfois, associés à beaucoup de stigmatisation, à des représentations négatives, à beaucoup d'idées reçues. Et on manque aussi de connaissances sur comment est-ce que je repère un trouble de santé mentale, un trouble psychique, quels sont réellement les signes que je peux observer chez l'autre, qu'est-ce qui peut un petit peu me donner l'idée que la personne en face de moi, elle est peut-être en souffrance. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je dis ? Comment j'approche l'autre ? Quelles sont les actions que je peux mener autour de lui ? En veillant toujours à un cadre sécurisant et adapté. Et quelles sont les ressources que j'ai à ma disposition ? Moi, pour avoir des infos complémentaires, si j'en ai besoin. Et qu'est-ce que je peux donner à cette personne en souffrance ? Comment je peux l'orienter, quels sont les conseils que je peux lui donner qui seraient adaptés à la problématique que j'ai identifiée. Et ça, tout le monde peut le faire, pas qu'un professionnel de santé. Donc pour moi, c'est essentiel que cette formation elle soit ouverte à tous, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu la faire. Et c'est aussi que chacun devienne un vecteur de déstigmatisation. Oui, c'est ça. Et en plus, dans le cadre de tes préventions, et puisque maintenant tu es formatrice, tu attaches une grande importance à aller travailler en entreprise, mais aussi dans les milieux administratifs des services de soignants, où il y a aussi un boulot essentiel à faire parce que ces gens-là ne sont pas formés aujourd'hui, ou peu, et il y a un gros boulot de prévention. Oui, tout à fait. Que tu en penses, et ça c'est essentiel aussi, hein. Ouais, il me semble que quand on accueille du public qui potentiellement est en difficulté, hein, quand on travaille dans un établissement de santé, qu'on soit secrétaire, même comptable, ou qu'on soit dans une partie assez administrative, il est essentiel d'être en capacité et d'avoir un minimum de connaissances finalement sur ce qu'est le trouble psychique et les moyens de le repérer. Oui, ben, c'est clair. Et si tu avais un message à faire passer aujourd'hui, en cette journée mondiale, ce serait quoi ? Celle-là n'est pas facile, mais je suis sûr que tu vas trouver une idée. Elle n'est pas facile, je dirais, en lien avec les troubles du neurodéveloppement. Ouais. Je dirais que accompagner, c'est déjà accepter. C'est déjà accueillir l'autre dans sa différence, et ça me semble fondamental dans notre société aujourd'hui, de se rendre compte qu'on est tous différents avec des spécificités différentes, que ça ne nous empêche pas d'avancer ensemble avec un projet commun. Avec une notion d'écoute aussi qui est importante, hein, de savoir écouter quelquefois. Oui, donner de l'espace. Donner de l'espace, quelquefois, c'est encore une fois, ça peut être son voisin, son collègue de bureau, dans une équipe de sport. Bien sûr, et aussi une notion importante, c'est qu'on est tous capables. On est tous en capacité d'accueillir, de repérer. et d'être dans une posture de non-jugement aussi de l'autre. Ouais, ça c'est vachement important, cette notion que tu viens d'exprimer, hein, le non-jugement. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, il faut que aussi la parole se libère, hein, qu'on n'ait pas peur d'en parler. Mmh. C'est un peu nouveau aussi, hein, la santé mentale, c'est un sujet, c'est l'année de la santé mentale. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font autour. Mais n'ayons pas peur d'en parler, n'ayons pas peur de témoigner, n'ayons pas peur de tendre la main. C'est ça aussi, hein, dans le discours que tout à l'heure au plateau, on en parlait beaucoup. Tout à fait. Tu mets du sens à ça, toi aussi. Oui. Puis au-delà des idées, hein, parce qu'on entend, effectivement, comme tu le dis, on parle beaucoup, voilà, sujet de l'année, ouais. Voilà, la santé mentale. Mais ce qui est important, sont les actions. C'est bien d'en parler, c'est bien de le dire, que c'est une priorité nationale. Mais quelles sont les actions aujourd'hui qui sont menées sur notre territoire, au sein des entreprises, au sein des citoyens? Dans les établissements de santé. Moi, ce que je regarde aussi, ce sont les faits et les actions concrètes. Et c'est pour ça que je me suis engagée aussi dans ces actions-là, pour y contribuer. Clairement. Bon, en tout cas, Alexia, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup de ton regard, de ton engagement et de ton humanité. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenons soin les uns des autres et continuons à apprendre à mieux comprendre les différences. À très bientôt dans Esprit Vivant. Et avant de conclure, Alexia, je voulais savoir où est-ce qu'on peut te retrouver. Tu interviens où? Alors, je consulte à la Maison Edera à Biarritz, juste à côté de l'aéroport, pour les consultations individuelles. Je fais aussi les formations de premier secours en santé mentale. À la Maison Edera aussi, dans notre salle de formation. On envoie un bisou à Zabaldou. Tout à fait. et ensuite, tu interviens, entre guillemets, à domicile, en entreprise, ou comment ça se passe? J'interviens dans des institutions, donc en clinique psychiatrique. Je ne sais pas si je peux citer... Oui, tu peux. Voilà, j'interviens à la clinique d'Amad à Bayonne, à la Ligue contre le cancer et dans des entreprises privées, après, sur des thématiques donc de santé mentale, de gestion du stress, des émotions, repérer le burn-out, toutes ces thématiques-là. D'accord. Et pour te contacter, quels sont les moyens mis à disposition? Moi, j'ai été contactée. Bon, il y a les réseaux sociaux, bien sûr, Instagram, Facebook, même si c'est un petit peu moins aujourd'hui. Mais... Oui, ça existe encore. Voilà, c'est ça. Le site internet. Qui est tu peux donner alexiadenis.com. Tout simplement. Par mail, téléphone et Doctolib pour les rendez-vous individuels. D'accord. Et est-ce que tu avais d'autres sujets que tu voulais exprimer au micro? Profites-en. Non, je pense que là, la santé mentale, on en a bien parlé. C'est vraiment la thématique qui m'anime dans mon métier, dans mon quotidien. Donc je suis très heureuse de pouvoir le partager au travers des formations et aujourd'hui à ce micro avec vous. C'est chouette. Merci beaucoup. Merci Alexia. Vraiment. Merci. Et si, comme Alexia, vous souhaitez parler de sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux et également par mail sur radiocotebasque@gmail.com.